Première partie, Beckles. Chapitre 1er, l'entrée en Suffolk, l'hospitalité de Quakers, 10 et la vallée de la Vavenay, un vieux coin de province anglaise, la légende de Saint-Edmond, un pays qui n'a guère changé, une auberge postale du temps où Chateaubriand débarquait en cette région. C'est de Cambridge que, dans l'après-midi du 19 novembre 1907, je me dirigeais vers le Suffolk. À la station de Stowmarket, je fus rejoint par mes amis Gosling, trop attachés à ma personne, trop intéressés aussi à mes recherches, pour ne m'accompagner point dans un voyage qui eût certainement été moins fructueux si je ne l'avais accompli sous leurs auspices. J'ajouterai que le docteur originaire de la région était le guide tout désigné pour m'en faciliter l'accès. Le soir même, nous couchions à 10 dans sa maison natale, où ses parents, de vénérables Quakers, nous réservaient une de ces graves et religieuses hospitalités d'autrefois qui sont restées de tradition parmi les membres de la secte. Bien qu'au XVIIIe siècle, les Quakers aient été fort répandus en ces parages, il faut croire que Chateaubriand n'eut guère d'occasion de les approcher. Sans quoi, j'imagine, qu'il eût appris à les juger plus équitablement et se fût abstenu d'écrire contre eux, sur de méchants propos rapportés d'Amérique, la note injurieuse de l'essai. Je n'oublierai de longtemps, quant à moi, les habitudes de vie simples et dignes qu'il me fut donné de partager pendant 24 heures sous le toit de mes hôtes. J'étais initié pour la première fois au charme sobre, à la poésie patriarcale et je dirais volontiers biblique des vieilles mœurs de la province anglaise. Rien de plus foncièrement provincial, en effet, que ce calme pays d'Est Anglie, ces comtés jumeaux de Norfolk et de Suffolk, fraternellement assoupis aux deux bords de la Vavenay, qui les unit plus qu'elle ne les sépare, et qui les enlace à plaisir de ces mille méandres caressants, comme pour les mieux bercés. On s'y croirait aussi loin de Londres que la Bretagne peut l'être de Paris. Et ce n'est pas sans raison que ce mot de Bretagne, de Haute-Bretagne, tout au moins, se présente de la sorte au bout de ma plume. Avec sa grand-rue zigzagante, ses venelles étroites et ses maisons de forme ancienne, s'épaulant l'une l'autre à flanc de coteau, 10 m'a fait penser à quelques gros chefs-lieux de canton d'Ille-et-Vilaine, en plus cossu seulement et en plus propre. C'est le type de la petite ville agricole, un peu retirée du monde et de la vie, et qui ne feint de s'animer qu'une fois la semaine, le jour du marché, quand les Tilbury, attelés de poneys à longs poils, ou les breaks, tirés par de puissants limoniers aux harnais riches de cuivre, y déversent la population, montée en couleur, des hobereaux et des fermiers d'alentour. En ce décor, doucement suranné, les hommes n'ont pas l'air de s'être plus renouvelés que les choses. Elles continuent, semble-t-il, un songe archaïque, où nul écho du dehors ne les vient troubler, pas même le bruit du chemin de fer, puisque la station qui dessert la bourgade en est située à distance assez respectueuse, c'est le cas de le dire, pour que les sifflets des locomotives ne dérangent pas son sommeil. Mais c'est surtout à parcourir les campagnes avoisinantes que l'on mesure à quel point le passé pénètre et possède encore ce coin d'Angleterre, désigné par les Anglais eux-mêmes sous le nom de Vieille Angleterre, Old England. Nous nous y enfonçâmes dès le lendemain au roulement modéré d'une antique calèche de louage. La route, après avoir franchi la Vavenay, presque au sortir de 10, s'engageait dans un paysage de collines charnues, soulevées en molles ondulations. Parfois elle filait à découvert entre des cultures ceintes de haies vives, alternant avec des prairies verdoyantes, à peine touchées du blond de l'automne, puis soudain elle se transformait en une féerique avenue de chênes colossaux, de chênes épiques, derniers survivants de quelques forêts de légende, contemporains peut-être de Saint-Edmond, qui passent pour s'être assis à leur ombre au moment de sa lutte suprême contre le Danois envahisseur. La figure de ce chef barbare du IXe siècle est toujours ici l'objet d'une espèce de culte historique, et sa mémoire plane sur toute la contrée, depuis Bury Saint-Edmond jusqu'à la mer. Comme nous achevions de descendre la pente boisée où niche parmi les arbres le pittoresque village de Oxen, prononcé Oxen, notre conducteur arrêta la voiture à l'entrée d'un pont sur la Dove et nous indiqua sous l'arche la place où le roi vaincu, abandonné de ses troupes, tenta, dit-on, de se dérober à la poursuite de ses ennemis. Après s'y être tenu blotti les pieds dans l'eau tant qu'il avait fait jour, Edmond espérait bien se sauver à la faveur de la nuit quand survint un cortège de noces, accompagnant chez eux sur le tas les nouveaux mariés. Un de ceux-ci, la légende ne dit pas si ce fut le jeune homme ou la jeune femme, arrivé près du pont, remarqua dans le noir de la rivière sous la voûte quelque chose de brillant. C'étaient les éperons d'or du fugitif qu'un rayon de lune frappait. Le malheureux, arraché de sa cachette, fut reconnu, dépouillé, puis livré aux Danois qui l'égorgèrent, mais avant de mourir, il lança, paraît-il, une malédiction terrible contre toute pompe nuptiale qui se hasarderait à l'avenir sur le pont de la Dove, appelé depuis cette époque « The Gold Bridge », le pont de l'or. La crainte inspirée par cette malédiction fut si durable que, jusqu'à la réfection totale du pont, vers 1830, les couples qui s'allaient marier à Oxen aimaient mieux prendre un long détour que de le traverser. Non loin, dans un champ labouré, s'érige une stèle destinée à commémorer le meurtre du roi martyr. Elle remplace, dit l'inscription, le chêne qui s'élevait jadis en ce lieu et qui, en 1843, s'écroula par l'effet de sa propre masse. Chateaubriand, qui put le voir debout, ne le retrouverait donc pas s'il revenait errer sur ses routes de sa jeunesse. Mais à part quelques arbres en moins ou quelques édifices en plus, comme il aurait vite fait d'identifier toute chose en un pays resté si semblable à lui-même. Monticules arrondis, couronnés de hautes futaies, chemins creux taillés au revers des collines, vallées sinueuses et secrètes, vieux ponts en dos d'âne sur des rivières silencieuses dont on n'a pas encore industrialisé le cours, vieux pâtis communaux hérissés d'ajoncs, vieilles églises saxonnes en flint, cailloux, moitié silex et moitié ciment, vieux cottages couleur saumon, exquisement rose dans le soleil et coiffés de tuiles multicolores, vieilles gentilhommières blanches à façade pseudo-grecque, endormies et comme enchantées au fond des vieux parcs. Pas un trait caractéristique, pas un détail essentiel n'a bougé dans la physionomie de cette terre depuis le temps où M. de Combourg y promenait, voilà plus d'un siècle, ses mélancolies d'émigrés. Il n'est pas jusqu'aux anciennes auberges postales qui ne dressent encore, au relais d'autrefois, leurs architectures trop vastes, irrémédiablement désertes, vouées à une solitude, à un veuvage éternel. Nous visitâmes l'une d'elles, la monumentale hôtellerie du Cerf-Blanc, dans le hameau de Skål. L'arc de triomphe en bois sculpté, où se balançait primitivement son enseigne et sous lequel berlines et diligences passaient avant de gagner les remises, n'est plus visible aujourd'hui que sur les gravures falotes encadrées à l'intérieur, tout un pré verdois entre les pavés disjoints de la grande cour et les écuries bailles pleines de néant. Mais le corps de logis principal, de style Louis XIII, comme nous disons en France, a gardé jusqu'en son dénuement la belle ordonnance classique de ses années de splendeur. Devant la gigantesque cheminée de la cuisine règne toujours le banc semi-circulaire où 15 voyageurs pouvaient se chauffer à l'aise, protégés par un haut dossier contre le vent de la porte. Dans les chambres spacieuses, lambrissées de chênes, les vieux lits à baldaquins s'étonnent qu'on ne délasse plus, à l'heure de la coucher, leurs housses déteintes semées de fleurs pâlies. Et je me demandais, en partant, si l'hôtesse elle-même, avec sa mine d'un autre âge, ne se surprend pas encore parfois le soir à guetter le stagecoach de Londres à Norwich qui déposa aux abords de Beccles, il y a quelque 114 ans, le futur auteur du génie du christianisme.